الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس سندخل غدا إن شاء الله تعالى في أيام فاضلة وعشر مباركة هي العشر الأول من شهر ذي الحجة ميزها الله سبحانه وتعالى عن سائر أيام السنة أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم فقال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية هي العشر الأول من ذي الحجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض أصحابه على الاجتهاد في عبادة الله في هذه الأيام ويقول لهم عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة قال ابن حجر رحمه الله تعالى معللا أفضلية هذه الأيام العشر وهذا لاجتماع أمهات العبادات فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا تجتمع في غير هذه الأيام رحمة الله عليه وفي هذه الأيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة من يوم عرفة وإنه أي الله ليتلو ثم يباهي بكم الملائكة يقول ماذا أراد هؤلاء رواه مسلم وفي يوم النحر وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو يوم العيد أعظم أيام أعظم الأيام عند الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد وصححه الألباني رحمة الله عليهما فعليكم يا عباد الله بالجد والاجتهاد في هذه الأيام المباركة وإياكم والغفلة فهي فرصة عظيمة ونعمة كبيرة من ربنا عز وجل الغفور الكريم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وبعد demain إن شاء الله تعالى samedi sera le premier jour du mois de Dhul Hijjah il y a à venir devant nous les jours les plus bénis de l'année les meilleurs jours de l'année les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah Allah subhanahu wa ta'ala les a préférés aux autres jours de l'année il nous a montré dans le Coran leur importance Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait ses compagnons à plus d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces 10 jours. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a juré par ces 10 jours dans Sourate Al-Fajr en disant wal fajr wa layalin ashr, les 10 nuits et les 10 jours. Ici, Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit qu'il s'agit des 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré ici, c'est pour nous montrer l'importance de ces jours et leur grande valeur devant les autres jours de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait grandement ses compagnons à redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces 10 jours. Et il leur disait, il n'y a pas de jours durant lesquels l'adoration est plus aimée auprès d'Allah que les 10 premiers jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Ce sont les jours durant lesquels l'adoration est la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela suffit comme encouragement pour le croyant qui espère l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce bas monde et dans l'au-delà. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, nous dit pour expliquer la préférence, la particularité de ces 10 premiers jours et la grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que durant ces jours se réunissent les mères des adorations, les bases de des grandes adorations, et cela ne se, et on ne les trouve pas unis dans une autre période de l'année. Et les bases dans l'adoration sont la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage. Tu ne peux trouver ces adorations réunies si ce n'est durant les premiers, durant les jours du mois de Dhul-Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'il y a un jour méritoire durant ces 10 premiers jours. C'est le jour de Arafa. C'est le 9e jour du mois de Dhul-Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant ce jour, il n'y a pas un jour durant lequel Allah a franchi plus de ses serviteurs du feu de l'enfer que le jour de Arafa. C'est le jour où Allah sauve le plus de serviteurs du feu de l'enfer. Il n'y a pas un jour durant lequel Allah sauve plus de serviteurs du feu de l'enfer que le jour de Arafa. Et Allah se rapproche et il se vante de vous auprès des anges et il leur dit « Que recherchent mes serviteurs ?» C'est donc un jour méritoire, un jour particulier durant Yahani devant lequel il nous faut être reconnaissant. Et ce hadith rapporté par l'imam Muslim, il y a également durant ces 10 derniers jours, durant ces 10 premiers jours, le 10e jour qui est le jour du sacrifice, qui est le jour du Eid, qui est le jour où les musulmans sacrifient une bête pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la sunna du prophète Ibrahim alayhi salam et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le jour le plus immense auprès d'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le rapporte. Il nous faut donc faire des efforts dans l'année, mais plus particulièrement dans ces 10 premiers jours qui commencent demain, donc samedi. Et ce sont des jours déterminés. Il nous faut ne pas être distrait. Il nous faut redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si une personne demande quelle adoration nous est légiférée durant ces 10 premiers jours, la réponse est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cela de manière absolue. Donc toutes les adorations sont préférées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, en commençant par les actions obligatoires, comme le fait d'apprendre ce qui nous est obligatoire de notre religion, la bonne croyance, la purification, la prière, et ainsi de suite, comme le fait de préserver les prières obligatoires, comme le fait d'avoir le bon voisinage, comme le fait d'avoir la piété envers nos parents, et tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il agrée, comme les sadaqat, comme les aumônes, les nobles caractères, les liens de parenté, et tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il agrée. Le 9e jour, il nous est légiféré de le jeûner. Le jour de Arafa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à son sujet « Ahtasibu Allah anna wikafiru sanat al-ma'diyah wal-atiyah awallati qabla wa ba'da rawah muslim » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit concernant le jeûne du 9e jour de Dhul-Hijjah, le jour de Arafa, il nous dit « J'espère en Allah que par ce jeûne, il nous pardonne l'année passée et l'année à venir. » Donc celui qui jeûne le jour de Arafa, le 9e jour du mois de Dhul-Hijjah, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne les péchés de l'année passée et les péchés de l'année à venir. Et ceci est légiféré pour celui qui n'accomplit pas le pèlerinage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jeûné le jour de Arafah, alors qu'il se tenait à Arafah durant le Hajj. Mais c'est légiféré pour ceux qui n'accompliront pas cette année le pèlerinage. Aussi, parmi les grandes choses qui nous sont légiférées dans ces jours à venir, il y a le sacrifice, al-udhiya, le fait de sacrifier une bête en cherchant la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe pour ceux qui ont l'intention de sacrifier une bête, le fait qu'ils ont eu les moyens, la capacité, et il nous dit de ne rien prendre de nos poils ni de nos ongles. Donc celui qui a l'intention de sacrifier la bête ne doit pas s'épiler, il ne doit pas se couper les cheveux et il ne doit pas se couper les ongles. Ceci est propre à ceux qui vont sacrifier la bête, al-udhiya. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala montre le mérite de cette action qu'est le sacrifice en nous disant qu'il inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. ويقول تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. الله تبارك وتعالى القرآن nous ordonne la prière et le sacrifice. Il a cité à côté de la prière, qui est l'action la plus aimée chez Allah, il a cité le sacrifice, et cela nous montre l'importance de cette action et que c'est une adoration qui revient de droit exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui sacrifie une bête a l'obligation de dire bismillah, et s'il ajoute Wallahu Akbar, ceci est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui sacrifie une bête pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, iyadha billah, aura commis un acte de polythéisme majeur. Il aura commis du shirk akbar wal iyadha billah, car il aura donné une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa sallam dit, comme dans le hadith de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah, qu'Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Il faut savoir le jugement de cette action. La plupart des savants, disent que c'est une sunna fortement recommandée. C'est-à-dire qu'il ne convient pas à celui qui a la capacité de sacrifier une bête le jour du Eid de délaisser cette action. Et d'autres parmi les savants disent que c'est une obligation. Donc celui qui a la capacité, qu'il le fasse et ne soit pas avare envers les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a accordés. Il faut une bête par foyer, au minimum. Donc si tu viens d'avoir ton appartement et que tu n'es pas encore marié et que tu te demandes est-ce que moi également je vais prendre une bête et je vais sacrifier une bête, la réponse est oui. Si tu as ton domicile, si tu as ton appartement, alors tu sacrifies. Et si tu vis chez tes parents, alors une bête suffit pour l'ensemble de la famille. Même si les gens sont adultes et même s'ils travaillent. Qu'en est-il de plusieurs familles vivant dans la même maison? Mohammed ibn Salih ibn Azimim, rahimahullah ta'ala, le grand savant du fiqh, nous répond à cette question. Et il dit, s'ils vivent ensemble, et qu'ils ont les mêmes dépenses, et qu'ils dépensent ensemble, et font à manger ensemble, alors une bête leur sera suffisante. Dans le cas contraire, chaque famille devra acheter sa bête. Et cette bête doit répondre à certaines conditions. Elle doit faire partie de ce qu'on appelle Bahimatul An'am. Elle doit faire partie des bestiaux, c'est-à-dire Al-Ibil, comme les chameaux, Al-Bakar, comme le bœuf, la vache, et Al-Ranam, comme le mouton. Et il n'est pas, ou bien ne serait pas valable, ce sacrifice ne serait pas valable pour quant à celui qui aura choisi autre que ces trois catégories de bêtes. Aussi, la bête doit être ce qu'on appelle musinna. Elle doit avoir atteint l'âge minimum. C'est 5 années pour al-ibil, pour le chameau. C'est 2 années pour al-bakar, les vaches, les bœufs. Et c'est 1 année pour le mouton. Et c'est 6 mois pour l'agneau. Si la bête n'a pas atteint cet âge, alors le sacrifice ne sera pas accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc être vigilant et acheter la bête chez une personne de confiance si on est ignorant de cela, car ça se sait en regardant, en observant les dents de la bête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La tadbah illa musinna » ne sacrifie qu'une bête ayant attelage minimum, rawahu Muslim. Elle doit également être saine de plusieurs défauts, comme la bête qui est borne. Il ne nous est pas permis de la sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme la bête qui est aveugle, la plus forte raison, la bête qui n'a pas de moelle, qui est tellement maigre qu'il n'y a rien sur elle, et d'autres défauts cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut également respecter le temps. Le temps du sacrifice commence après la prière du Eid. Et si la personne attend après la khutbah du Eid, ceci est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui aura sacrifié avant la prière, sa viande sera une simple viande, mais elle ne sera pas un sacrifice par lequel on se sera rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc absolument attendre la fin de la prière du Eid. Donc celui qui délègue le boucher ou délègue la personne qui possède les moutons ou autres de sacrifier pour elle, elle doit émettre cette condition. Elle ne doit s'adresser qu'à une personne de confiance. Car il nous a été rapporté que certains bouchers apportaient des moutons, mais qui avaient été sacrifiés avant la prière afin d'avoir plus de clients et pour répondre à une grande demande. Ceci est tromperie envers les musulmans, ayyadan billah. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas cette action. Il nous faut également savoir qu'il n'est pas permis de vendre quoi que ce soit de al-udhiya, car c'est un sacrifice par lequel on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider à l'évoquer et à l'adorer durant ces 10 jours et durant l'ensemble des jours de l'année. Certains parmi nos frères ont voyagé pour le pèlerinage, invoque Allah Azza wa Jalla en leur faveur afin qu'il les préserve et leur accorde la réussite dans ce voyage. Et d'autres s'apprêtent à voyager aujourd'hui et dans les jours à venir. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala pour eux son assistance et son aide. Et pour conclure, on vous encourage à dépenser de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a donné pour la mosquée et dans toute chose qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Toute personne, ce qu'elle avance dans ce bas monde, elle le retrouve premièrement dans ce bas monde et également dans l'au-delà. Wa sallallahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.